20 ans. Joyeux anniversaire. Une nouvelle heure, une nouvelle année. Et contrairement à ce que a dit Thomas à la fin de sa belle émission, Benoît n'est pas tout seul, je vous rassure, je suis là aussi. D'ailleurs, Benoît est en effervescence. Ah. Ouais. Alors. Ça va mieux comme non, ça, Benoît. Non, mais effectivement, là, il se venge. On ne l'a pas annoncé, donc il me coupe le sifflet. Excuse-moi, j'ai plein de documents en régie et les boutons étaient cachés. Oui. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Fadjet, mais vous y êtes déjà depuis hier, depuis 9h, vous avez tout eu, vous avez eu des lives, vous avez eu des chansons, vous avez eu des visites surprises chez le boulanger, hein. C'était quand même, vous avez été réveillé ce matin entre 5h et 7h par Fred, Thomas, qui au réveil nous ont quand même vraiment fait un spectacle, un show digne des grands lives radiophoniques, et c'est bien, on aura ça en souvenir. Mais ce n'est pas fini. Hier soir, vous aviez aussi des lives avec Electrophone, et puis la matinale aussi ce matin, et puis la super émission de Thomas avec Sentez-vous bien. Alors, est-ce que nous sommes en forme? Oui, nous sommes avec vous pendant une heure pour Destination Série, puis ensuite nous remettrons le couvert, comme Gaël qui a ressorti du placard hier soir à 22h, si je me rappelle, son émission plutôt deux fois qu'une. Nous, sortons du placard. Nous, presque 12 ans après, l'Académie Fadjet, nous jouerons avec des animateurs, des anciens, des fans, enfin un peu tout le monde. Enfin, si je ne me trompe pas, Gaël a parlé de décongélation. Oui, décongélation, oui. Donc, je ne sais pas si on va décongeler quelque chose du côté de l'Académie, mais en tout cas, du côté du générique, c'est une vraie décongélation, puisque le générique nous vient des années 70. Et tu n'y es pas pour rien. Alors, nous sommes en 2010. C'est vrai qu'on se rapproche là, hein, c'est bientôt la fin. Nous sommes donc en 2000, la fin de nos 30 heures, hein, en attendant les 30 prochaines années. Nous sommes en 2010, et alors en 2010, c'est un peu quelques événements phares qui vont rythmer notre début d'émission. 2010, c'est en janvier, le 27 janvier, le patron d'Apple, Steve Jobs, qui lève le voile sur l'iPad. Alors là, rappelez-vous. L'iPad, nouvelle tablette multifonction, depuis, il y a encore eu plein d'innovations, plein de choses, hein, dans ce domaine-là, ça n'arrête pas. Le 18 mars dernier, c'est Simone Veil qui entrait à l'Académie française. C'était la sixième femme immortelle de son histoire à rentrer sous la coupole. Et puis il y a quelque chose qui nous a touchés tous les deux d'une manière un petit peu inhabituelle, puisque nous l'avons vécu dans Destination Série via nos grands feuilletons que nous avons faits pour la Coupe du Monde. Le 11 juin, c'était le coup d'envoi de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et ce feuilleton que nous avons fait vivre tous les samedis dans Destination Série, comme nous l'avons fait vivre 4 ans auparavant, là, on a eu de quoi. C'était une vraie série. Hein. C'était une vraie série parce que quelques jours après le début, le 20 juin, c'était la grève de l'équipe de France et le fameux bus de Niasna. Enfin, les Français ont refusé de monter dans le bus. C'était le début d'une longue épopée. Et Raymond Domenech qui a été au feu avec un texte qui a fait date. Qui a fait date, que nous allons vous relire ce matin. Non. Peut-être pas. On n'a pas le temps. Le 11 juillet, c'est quand même l'Espagne qui gagnait sa Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et pour terminer cette année en beauté, le 14 décembre, ça c'est moins drôle, c'était la création d'une mission d'enquête sur le Mediator, ce médicament pour diabétiques en surpoids, de ce fameux laboratoire Servier qui était à l'origine d'au moins 500 morts entre 1976 et 2009. Oui. Voilà, on aura l'occasion de reparler de cette année 2010, du côté série, parce que c'est un peu notre dada. Donc on aura un journal des séries vraiment focalisé sur l'année 2010. À cette époque-là, Destination Série attaquait sa 9e saison. Mais avant d'arriver au programme de Destination Série, une chanson phare, on va dire. Et là, c'était un peu aussi le début d'une longue carrière. Alors on dort. Alors on dort. Alors on dort. Qui dit études dit travail. Qui dit taf te dit les thunes. Qui dit argent dit dépense. Qui dit crédit dit créance. Qui dit dette te dit huissier. Lui dit assis dans la merde. Qui dit amour dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde. Dit famine dit tiers monde. Qui dit fatigue dit réveil. Encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et c'est la zik ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Eh ben y'en a encore. Eh ben y'en a encore. C'était donc Stromae, Alors on danse. C'est le début pour lui, hein. C'est le début vraiment de sa carrière en 2010. Et on sait évidemment ce qu'est devenu ce magnifique chanteur. Et donc on était heureux de vous le proposer en illustration de cette année 2010. Parfait Benoît, oui. Oh, on met la bande-annonce ? Non. Non ? Non, parce que là, c'est maintenant le moment d'interview. Ah ! Et là, on a la chance d'avoir à nos côtés, eh bien, quelqu'un qui a vécu ici, qui a eu un passage ici, et on va apprendre à découvrir. Lohan, bonjour. Bonjour. Alors, qui tu pouvais te présenter un petit peu? Comment tu as rencontré Fadjet? Comment tu es venu à découvrir cette belle maison qu'est Fadjet? Moi, je suis arrivé à Fadjet en 2007, je pense, oui. Même avant. Mm-hmm. Je l'ai découvert grâce à une amie qui travaillait au Scout catholique et moi aussi, j'étais bénévole là-bas. Et c'est elle qui m'a proposé d'aller visiter le Fadjet. Et c'est grâce à ça que je suis venu à Fadjet et j'ai découvert Fadjet. Et après quelques mois, j'avais envie de faire une émission à Fadjet. Et c'est pour ça, parce que je suis d'origine irakienne. Mm-hmm. Et c'est grâce à ça que j'ai pu faire une émission sur la culture et l'histoire du Moyen-Orient. D'accord. Et ça se passait deux fois par mois. Deux fois par mois, ouais, ça s'appelait Voyage oriental. Voyage oriental, avec donc ça parlait il y avait de la musique orientale, l'histoire du pays. C'était qu'est-ce qu'on retrouvait dans cette émission? Bah, je pense qu'on trouvait tout. Hein. Il y avait de la musique, il y avait beaucoup d'histoires. Ça, ouais, oui. Moi, chaque émission, je racontais l'histoire d'un pays différent. Par exemple, la Syrie, l'Irak, la Turquie, Liban, voilà, tous ces pays, Israël ou Palestine, tout ça. Et après, il y avait beaucoup de musiques différentes, en musique arabe, musique kurde, musique turque, mais musique perse. Et l'Iran aussi, bah voilà, c'est parce qu'ils ont un passé assez important, l'Empire perse, tout ça, tout ce qui est la Mésopotamie, tous les contes issus de là-bas aussi. Les mille et une nuits. C'est ce que j'ai raconté dans mon émission. D'accord. Et ça a duré combien de temps? Ah, ça a duré, je pense, 3 ou 4 ans, hein, je pense, à peu près. D'accord. Parce que j'ai arrêté en 2010, même, ouais, je pense. Même après, hein, je pense. Ouais. D'accord. Et ça a duré combien de temps? 15 minutes. 15 minutes, et c'était donc deux fois par mois. Oui, deux fois par mois. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est vrai que on a beaucoup parlé je te demanderai tout à l'heure, mais le mot pour toi qui évoque Fadjet, tu peux déjà me le dire, mais on a souvent parlé de maison. Alors, je ne sais pas si c'est le mot que tu retiendrais aussi, mais c'est vrai que la maison Fadjet... Oui, c'est une famille, Fadjet, je pense. Famille, ouais. Ça peut effectivement... Ouais. Donc, oui, pour toi, le mot serait famille. C'est très convivial et très... Parce que tout le monde, souvent, si on... moi, personnellement, ce qui m'a apporté le Fadjet, c'est parce que quand je suis... moi, je ne parlais pas le français, et c'est grâce à la Fadjet que j'ai pu apprendre la langue française et... Même la culture française, il y a j'ai appris beaucoup de choses à Fadjet. C'est une maison culturelle qui est très très riche, parce qu'on raconte beaucoup de gens différents, beaucoup d'émissions, et je pense c'est une maison où il y a une famille très très riche. Et cette maison-là, elle nous apporte beaucoup de choses et beaucoup de richesses. Quoi. Ouais, effectivement, famille, donc on retiendra le mot de Lohan, famille. Voilà. On a eu beaucoup de maisons, je ne sais pas si on a eu famille aussi, mais ça évoque bien ce qu'est la maison Fadjet, parce que comme dans une famille, quelquefois, on s'en éloigne parce qu'on a besoin d'aller voir un petit peu ailleurs. Mais on y revient souvent, et on y revient toujours. Et la preuve que tu es là avec nous aujourd'hui. Et tu fais quoi maintenant? Bah là, maintenant, je suis en formation à l'IRTES pour devenir éducateur spécialisé. Je suis en stage. Quand je faisais mes stages, je suis revenu pour faire une émission avec les jeunes, tout ça, parce que voilà, Fadjet, ça sert toujours. Eh ben oui, effectivement. Et donc, on espère que tu reviendras et que tu reviendras encore. Mais j'aurais quand même une question. L'émission s'est arrêtée par manque de temps, par lassitude Par manque du temps. Manque de temps. Après, j'ai enchaîné du travail, et j'étais en formation et tout ça, et j'avais vraiment pas le temps pour continuer l'émission, quoi. Et vous avez un petit regret Bien sûr. Oui, parce que c'est un moment très très agréable quand on présente son émission et quand on a envie de partager quelque chose qu'on a dans qu'on a envie de le partager finalement, et c'est pour moi c'était un moment vraiment vraiment agréable et vraiment... Donc si demain les conditions sont réunies, on a possibilité de vous revoir auprès de nous. Bah, de toute façon, c'est prévu, hein. Je reviens, mais pas tout de suite là, mais je reviendrai quand j'aurai fini ma formation. Mais ce sera dans un an ou un an et demi, quoi. Un peu à l'image de tous ceux qui partent, ils reviennent. Hein. En fait, on pourrait évoquer le mot boomerang, Fadjet, aussi. Non, mais c'est vrai que c'est... depuis hier matin, 9h, c'est vrai que c'est beau. Toutes les personnes qui sont intervenues, toutes parlent de famille, de maison, toutes gardent Fadjet dans leur cœur. Et c'est vrai que tu disais, à un moment donné, on quitte une famille pour évoluer, pour partir sur d'autres chemins. Il y en a certains qui ont tendance à oublier ce qu'ils ont connu dans le passé. Et là, Fadjet, tous ceux qui ont été interviewés, ils ont on n'a pas l'image, mais on a l'impression vraiment qu'ils ont des lumières dans les yeux. Et ça reste un magnifique souvenir. Et ils gardent vraiment Fadjet au fond de leur cœur. Donc c'est magnifique. Et quand j'ai dit une famille, mais par exemple, je vous donne un exemple. Quand on entre à Fadjet, on va dans la cuisine, il y a du café, on boit du café, s'il y a quelque chose à faire, on le fait. Si voilà, il y a même parfois, moi je regarde s'il y a des gâteaux, des trucs sur la table, je les mange. Hein, je demande à personne. Ben voilà, c'est ça l'esprit de la famille finalement. Voilà, c'est vraiment vraiment important et vraiment intéressant quoi. Ben merci de ces jolies paroles qui vont absolument, qui collent bien. C'est 30 heures, 30 ans d'ondes solidaires sur Fadjet. Ce n'est pas fini. Il y a encore plein de choses que l'on va vivre jusqu'à 15h, 15h30. Et même, vous pouvez venir nous retrouver si vous avez envie de rentrer, de pousser la porte de la maison Fadjet. Vous pouvez le faire aujourd'hui, puisque vous savez qu'on ne sera pas sur le parvis de la cathédrale, hein, pour les raisons que tout le monde sait. Mais la maison est ouverte si vous avez envie de venir avec nous. Souffler les bougies et le magnifique gâteau qu'a confectionné Sue Ellen, que vous retrouverez dans moins de 45 minutes à nos côtés pour l'Académie. Mais franchement, un grand moment à vivre ensemble, cette grande fête avec vous, comme nous l'a si bien conté Loane. Eh bien, il est 10h passé de 16 minutes. Dans quelques instants, on attaque les 45 minutes qui restent de Destination Série, mais une illustration de tout ce qui se passe dans la maison et qui est aussi très riche, une émission qui dure depuis très longtemps, la bande-annonce de Menu étudiant avec Florent, un moment à ne pas rater tous les soirs à 19h30, 19h30, 20h. Donc après, je mélange un peu les tout-liers. Allez, on y va. Entre les partiels, les TP et les oraux, c'est tendu d'être étudiant, hein. Bah ouais, mais c'est assez bon côté. Ah oui? Lesquels? Cite-moi-en un, tiens. Il y a le menu étudiant sur Fadjet, avec les bons plans sortis et concerts et toutes les infos étudiantes. Quoi comme infos étudiantes? Par exemple, les études à l'étranger, les infolites, les mises en lumière de projets étudiants, les présentations de formation, le do-it-yourself, des débats ou encore des reportages. Ah ouais, ça vaut le coup d'être étudiant. Ouais, surtout de 19h30 à 20h sur Fadjet avec le menu étudiant. Et en plus, c'est tous les jours. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. Précédemment, dans Destination Série. TF1 et la société FLCP, société holding du groupe Newen, indiquent avoir signé un accord permettant à TF1 de devenir actionnaire à hauteur de 70% du capital, inspiré du roman de James Patterson, est lancé cet été sur CBS aux États-Unis. Zoo se déroule dans un monde où les animaux se rebellent contre les êtres humains et décident de prendre le contrôle. Alors que les nouvelles saisons sont à peine en diffusion, hein, la chaîne commande de nouvelles saisons pour ces deux séries. Et en plus, on aura la troisième dérivée, ça s'appellera Chicago Med. Après Chicago Fire, Chicago Police Department, voici Chicago Med, prochainement en France. Pour l'instant, ça va être lancé aux États-Unis. Qui est vraiment Mathias Frère, alias Victor Janus, alias Narcisse, alias Arnaud Chaplin, dit Nono? Comment expliquer les fugues psychiques à répétition dont souffre ce dernier? Est-il psychiatre, SDF, artiste peintre, faussaire? Semblable à un jeu de poupées russes, le passager nous mène de surprise en surprise, avec d'autant plus d'efficacité que ses interprètes semblent maintenant avoir pris la mesure de l'intrigue tortueuse en diable qu'il leur est offerte. Alors cette semaine a aussi été marquée par une annonce et des affiches que l'on commence à voir sur la nouvelle série Zoo. Peut-être qu'on devrait dire Zoo, parce qu'en anglais, les deux O doivent se prononcer OU. Les humains sont victimes d'attaques violentes de la part des animaux, on le disait tout à l'heure. Un jeune biologiste va être chargé d'arrêter cette pandémie mystérieuse. On peut tout lire. J'ai été voir un peu partout, si vous l'avez fait comme moi, vous pourrez vous en rendre compte par vous-même. Du pas trop mal au fin nul. Vous pouvez offrir à votre gamin le pyjama Dark Vador, 2 pièces, le haut imprimé computer, les boutons ne marchent pas, c'est pas la peine d'appuyer dessus, pantalon élastique, cape amovible avec fermeture adhésive en tissu, à quoi ça sert d'avoir une cape pour aller se coucher, j'en ai aucune idée. Alors le casque, il existe, mais avec le déguisement lumineux pour aller se coucher dans le noir. Hein, si vous êtes perdu, c'est très bien. Le panneau lumineux situé sur la poitrine s'allume quand on appuie. sur le bouton. Et c'est tout ? Non. Alors, il y a le fameux casque avec le masque moulé et les yeux à facettes. De quoi faire peur à la mamie quand elle va faire son petit tour aux toilettes. Il y a un sabre laser avec le déguisement. Ah. Oui, il y a un sabre laser. Et le bouton marche arrêt pour enclencher la lame, les lumières et les sons de combat. Rien à voir avec le sabre plastique à 2 euros qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces. D'ailleurs, voilà, la séquence pas très radiophonique, mais quand même, j'ai voulu vous apporter... Ah, je fais mon Patrice Carmouze, là, un petit échantillon, rien que pour vous faire entendre le son. Alors, ah oui, je pense que les piles sont un peu usées. Non, je me dis... Normalement, ça doit faire... Tin, tin, tin, tin, tin, tin. Normalement, ça doit faire... Ah bon, on a cru à un moment donné que ça faisait... Tin, alors, tin, alors tin, attendez, non attendez, parce que là je pense que le fabricant a dû confondre avec la poêle à frire de Ray Ponce. Oui. Ah, vous connaissez la petite Ray Ponce avec sa grande chevelure là, qui accueille tous ses visiteurs à coups de poêle à frire. Ah, c'est bien. Je pense que ça va faire tin, tin, tin, tin, tin, tin. Et après, alors, je suis ton père. Et vous avez aussi le sac à dos Chewbacca, poche avant, poche latérale, poche intérieure et le meilleur... La bandoulière réglable comme celle de Chewbacca. Alors, Maître Yoda, il est tout petit. Alors, pour que les personnages style chevalier Jedi soient à la même taille, il faut qu'ils soient mis accroupis dans la position du Jedi embusqué, tapis dans un coin sombre, prêt à bondir. Le Jedi, pas le coin. Je viens d'apprendre que Brigitte est fan de Star Wars, oui, qu'elle a un sabre laser. C'est vrai que. Avec des figurines Dark Vador, Luke Skywalker, Maître Yoda. Alors là, je n'en reviens pas. 10h, 11h, Destination Série. Je m'appelle Laurent. Moi, c'est Benoît. Nous sommes à la tête d'une équipe d'experts en série télé. Chacun à sa manière, nous défendons contre vents et marées ces productions trop souvent sous-estimées, voire méprisées. Notre nom de code, Destination Série. Je vous dis que dimanche dernier, lundi dernier, deux, trois personnes m'ont accosté en me disant « Mais la chronique de Brigitte, là, c'était vraiment magique oui. !» Un moment inoubliable, alors je dis merci à Brigitte et sachez qu'elle a déjà un sujet pour la prochaine et ça va donner. On l'espère tous. Et juste un complément, hein, parce que j'ai tellement été enthousiasmé par le bruit du sabre laser que ce week-end, le week-end dernier, je suis allé dans des grandes surfaces et j'ai testé. Je pensais vraiment que le sabre faisait la musique que j'évoquais dans cet extrait. Ben non, c'est une espèce exactement la même chose qu'à Brigitte. Alors je sais pas si les piles sont toutes en panne, mais ça fait un espèce de... Alors que ça fait le démarrage, mais c'est bizarre. Donc elle avait raison, Brigitte, hein. Il n'y avait pas d'autres sons. Oui. Ça fait très étrange. C'est très oui. étrange. Alors voilà. Déjà que ça ne ressemble pas à un vrai sabre laser, si en plus on est floué sur le son, c'est vraiment un scandale. Et il y en a, je ne sais pas combien de modèles. Hein. Ah bah alors après, hein, chacun ses goûts. Voilà. On voudrait quand même signaler qu'un de nos chroniqueurs, alors on a une petite pensée pour Maître Pierre qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, il avait des obligations. Notre maître Pierre, donc il reviendra la semaine prochaine. Mais là, aujourd'hui, il faut signaler qu'on a un de nos membres, nouveaux membres de l'équipe, c'est Ludo. Bonjour Ludo. Bonjour Laurent, bonjour Benoît, bonjour à tous ceux qui sont dans le studio. Et en même temps, donc, je voudrais faire un petit coucou donc à une fidèle auditrice donc, qui habite du côté de Troyes, donc, qui s'appelle Lucie. Donc coucou Lucie, et qui nous écoute actuellement. Sur fadjet.net. Et on l'embrasse Lucille. On a aussi Manon. Bonjour Manon. Bonjour. C'est la nouvelle génération. C'est la nouvelle génération. C'est la génération et on a pendant 30 ans. Et il est discret, hein, mais il est présent. On a la chance d'avoir le Swan. Hein. Ouais. Je ne sais pas si le micro est en route. Normalement, il est en route. Hein. Bah alors, dans ce cas, ça marche. Voilà. Oui, ça marche. Voilà. C'est bon. Voilà. Salut Swan. Qui a changé d'horaire. Lui, qu'on retrouve le mercredi et puis le dimanche. et qui aujourd'hui décide d'intégrer l'émission. Voilà, je suis venu pour assister, pour regarder. Pour ah, je pensais que c'était pour parler séries. Ah, mais j'aime beaucoup les séries. Ouais, j'en regarde de temps en temps. Oui, ça m'arrive. Je sais. Et j'écoute aussi votre émission d'ailleurs. Merci. Mais, donc, voilà. Donc, on a encore Lohan avec nous. Voilà. Alors lui, j'ai discuté avec lui avant d'intervenir à l'antenne. C'est un fan des experts. Oui, exact. Bah, il y a l'esprit criminel, l'expert Manhattan, l'expert Miami, tout ça. Bah, oui, c'est vrai. Moi, je suis un fan de l'origine. Je suis, Las Vegas. Quoi. Las Vegas. Ah, ouais. Ah oui, c'est vrai. Il y a Las Vegas. Aussi. Las Vegas. Mmh. Moi, bah, c'est celle qui a duré le plus longtemps. Voilà. Hein, j'aime bien l'univers dans lequel ça se situe. Il y a toujours la nuit. Après, on peut aimer la franchise, les experts, mais le problème, c'est que les producteurs ont voulu faire trop un copier-coller. On n'a vraiment pas eu de série originale, de belles séries dérivées comme on avait pu l'avoir pour la franchise Stargate, Star Trek. C'est vrai que c'était un peu toujours la même chose, mais on peut comprendre que les fans ont été présents puisque ça a duré cette saison quand même. Tout de suite. On a des flics, des vrais, là. Voilà, donc là, on a, ouais, on a des fans de séries policières. Mais tout de suite, dans Destination Série, voici le rétroviseur de la semaine. C'est le seul moment dans l'émission où on va aborder l'actu de cette semaine. Après, on va totalement partir en 2010, enfin, du côté surtout du journal des séries. Mais pour l'heure, on s'arrête vraiment du côté des audiences de cette semaine, puisque là, on a eu un sacré chamboulement du côté du classement de la cinquième place. À la première. Ce serait bien si je pouvais avoir le début, s'il vous plaît. Pas de souci. Qui est en régie ? Je ne dirai pas qui c'est. Alors. Le rétroviseur. Le rétroviseur. Pas mal de changements au sein de votre rétroviseur suite à l'absence de Patrick Gène, alias Mentaliste, pour cause de foot et la déprogrammation de l'épisode inédit de Castle lundi dernier suite aux attentats à Paris. Une nouvelle fois, la série de France 3, Les Enquêtes de Murdoch, a dépassé la barre des 3 640 000 téléspectateurs. On le dit à chaque fois, mais c'est tellement vrai, quelle que soit la concurrence, Murdoch garde ses fidèles téléspectateurs. On peut même parler de fans pour le plus grand plaisir de notre troisième chaîne française. Du côté de la nouvelle série française de France 2, Malaterra, on peut parler d'une arrivée confortable au sein du rétroviseur, mais depuis, sur les réseaux sociaux, c'est pas la joie pour ce copier-coller de Broadchurch. La semaine prochaine, la chute risque d'être plutôt dure. Je ne sais pas ce qu'en pense Benoît de son côté. J'ai dû tenir 3 minutes. 3 minutes, c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal, hein. Juste le temps de faire un œuf à la coque. Une info que qui va ravir... après sur la télé. Une info qui va ravir Lohan. Pour Esprit criminel, aucune inquiétude à avoir pour l'avenir de la série. Si TF1 abandonne sa folle idée de la diffuser le lundi soir, le mercredi, c'est le succès assuré. Cette semaine, la série a facilement capté l'attention de plus de 6 158 000 téléspectateurs. Lundi dernier, on a assisté avec bonheur au retour de notre famille formidable. La famille Beaumont est toujours aussi attachante. Pour preuve, cette puissante audience en début de semaine, on était plus de 6 250 000 téléspectateurs. Et en l'absence de Mentaliste, c'est la série française Profilage qui arrive directement à la première place. Ça nous donne 5e Les Enquêtes de Murdoch, 4e Malaterra, 3e Esprit criminel, en 2e position Une famille formidable et à plus de 7 millions de téléspectateurs Profilage. Ouais. En première position, Profilage, normal. C'est mérité, c'est normal. Voilà, ça c'était donc notre rétroviseur. Et là maintenant, on attaque le sujet fort. C'est l'année 2010, puisque depuis hier 9h, Fadjet fête ses 30 ans. Depuis hier 9h, on a démarré en 1985 et à chaque heure, on passe en revue une année. Et là, nous, on est du côté de l'année 2010. Que s'est-il passé du côté du journal des séries, des audiences de vos séries ? La réponse, tout de suite après ça. Décidément, je n'y arrive pas. Je vais aller me coucher. Non, j'ai encore besoin de toi pendant 2 heures. Fadjet, aujourd'hui 30 ans d'ondes solidaires. Le journal des séries avec Laurent et Benoît. Et avant d'en arriver au cœur du sujet du côté du journal des séries, je voudrais quand même vous passer une bande-annonce. En 2010, Destination Séries en était à sa 9e saison. Et du côté de la bande-annonce, vous allez voir, un personnage est au centre de cette bande-annonce. Ce personnage, mardi prochain, va nous tirer sa révérence. Séquence, souvenir de Destination Série. Pourquoi tout le monde s'agite? Impossible à dire, vu les indices dont nous disposons. Allez savoir. À vue de nez. Il n'est pas dans mes habitudes de jouer aux devinettes. Vous avez raison, il nous faut des faits. Fort heureusement, nous en avons. Oh, oh. Nous en avons. En pagaille. Et c'est vous le consultant qui prétend lire dans les pensées? Non, je ne le prétends absolument pas, je lis dans les pensées. Comme nous tous. Pas besoin d'être mentaliste pour savoir que Destination Série saison 9, c'est le samedi à 10h sur Fadjet. Excellent. Voilà, c'était la bande-annonce de 2009 concernant Destination Série. Et du côté du journal des séries en 2010, saison 9, et on était en 2010. Et du côté de 2010, on parlait aussi de Mentaliste, puisque là, on avait quand même un score faramineux à annoncer dans le journal des séries. Le 3 septembre 2010, en effet, le Mentaliste explose la concurrence. Mentaliste, la série avec Simon Baker, avait cartonné le 2 septembre 2010 sur TF1. L'épisode plus que jamais, le premier inédit de la soirée, avait attiré plus de 9 millions de téléspectateurs. Quand on voit les 7 millions désormais de la série, on voit qu'il y a quand même eu une chute d'audience. À l'époque, la série dépassait la barre des 9 millions. C'était un énorme carton pour TF1. On en était à la saison 2. Robert Wagner débarquait dans NCIS. C'était le 8 septembre. Le 8 septembre 2010, on nous annonçait que pour célébrer le 150e épisode de NCIS Enquête Spéciale, les producteurs avaient proposé donc à Robert Wagner, le célébrissime Jonathan Hart de Pour l'amour du risque, de faire une apparition dans la série. L'inoubliable Jonathan Hart de Pour l'amour du risque jouera le temps d'un épisode le rôle d'Antonio Senior, le père de l'agent Tony DiNozzo. Petit clin d'œil à l'épisode diffusé hier soir, Robert Wagner est toujours là. Et en général, il apparaît une à deux fois dans la saison. Il n'a jamais quitté NCIS. C'est devenu un personnage qu'on aime retrouver et qui apporte une petite touche d'humour de temps en temps dans les épisodes. C'est vrai que ce passé du passage de Robert Wagner, ce serait vraiment gâché. Donc là, du côté des producteurs d'NCIS Enquête Spéciale, ils l'ont bien compris. Depuis 2010, Robert Wagner apparaît régulièrement dans NCIS. Là, une petite page moins drôle de ce journal des séries en 2010. Le 30 septembre 2010, c'est Tony Curtis qui nous quittait. Un peu une semaine plus tard, le 2 octobre, c'est Stéphane G. Canel, le créateur de la A-Team, qui est décédé. Le lendemain, le 3 octobre, c'est Patrick Duffy qui nous disait « Le script de la suite de Dallas est brillant ». On sait un peu ce que c'est devenu. Ce que c'est devenu, donc voilà. Oui. Et le 15 octobre 2010, c'est Simon McCorkindale, alias le fameux Manimal, qui nous quittait. Voilà, c'était la petite rubrique nécro avec une petite info. Il nous l'a glissé, c'est pas vraiment une nécro, mais tu l'as mis là parce que ça n'augurait rien de bon, au moins sur la fin, même si le script était brillant. Oui, voilà, du côté de Dallas, c'était juste. J'ai failli zapper, je me suis dit, bon, on peut quand même le citer. Puisque ça aura duré 3 saisons quand même. Et enfin aussi, c'était assez morbide, hein, ce mois d'octobre 2010, le 19 octobre, c'est Tom Bosley qui nous a quittés à son tour. Alors Tom Bosley, rien à voir avec les drôles les de dames. Rien à voir, hein. C'est le nom de l'acteur, hein, Tom Bosley. L'acteur avait accédé à la gloire télévisuelle avec son rôle de Howard Cunningham dans la série Happy Days, Les Jours Heureux en France, durant 10 saisons, de 1974 à 1984. Et auparavant, il était apparu dans 3 épisodes des rues de San Francisco. Le 19 octobre 2010, il nous quittait. Le 20 octobre 2010, alors là, c'est du lourd, hein, c'est Hélène qui revient dans les mystères de l'amour. Alors, je ne sais pas si... parce que j'ai oublié mon portable. Et comme Swan est là, je me suis dit, au cas où, on pourra peut-être passer le générique. Et là, comme Swan est là, je suis sûr qu'il est fan. Hélène. C'est, donc ça, c'est l'extrait, on n'a pas le temps. Voilà. Non, c'est le générique des mystères de l'amour. Ah, les mystères de l'amour, non, mais non. Non. Moi, je... Dans les années 90, j'étais ado, donc je pouvais regarder Hélène et les garçons. Mais après, j'ai vite compris que c'était non, stop quoi. Ça ne s'est pas amélioré, mais il y a quand même beaucoup de fans. Il y a beaucoup de fans. C'est pour ça qu'on l'a mis dans le JDS de 2010, puisque ça cartonne sur TMC et c'est piloté par Jean-Luc Azoulay. Alors toi, qui aimes bien, Swan, les séries de Jean-Luc Azoulay, on tient à te donner un scoop qu'on a dévoilé la semaine dernière, c'est que le feuilleton de l'été de TF1 va être lui aussi piloté par Jean-Luc Azoulay. Donc on va avoir un bel été 2016. Ça va piquer les yeux. C'est quoi la vengeance aux yeux clairs, hein, c'est ça ouais, ça va pas piquer. Déjà, la vengeance aux yeux clairs. Et ça va pas pas piquer que les yeux. Hein. Parce qu'à mon avis, j'attends moi avec impatience les dialogues. Ah, peut-être qu'il s'inspirait des contes des mille et une nuits. Hein. Mais ce que j'aime bien dans La Vengeance des yeux clairs, c'est que tu as déjà le scénario dans le titre. Oui, voilà. Tu sais déjà que c'est une femme qui va se venger. Voilà. C'est... Non, mais c'est ça. Bah, c'est ça, en fait. Ah, et elle a les yeux clairs. Et elle a les yeux clairs. Alors, est-ce que ça... Donc la blonde dans l'affaire, méfiez-vous quand même. Ça peut être une importance parce que est-ce que ça aurait pu marcher si la vengeance avait les yeux marrons? Eh ben alors, je pense que la vengeance aurait été peut-être été plus dure, alors que là, aux yeux clairs, elle va peut-être être douce. C'est peut-être ça l'indice. Il faut se méfier de l'ours qui dort. Non, il faut se méfier de l'eau douce. Alors des yeux. Bref, c'est un grand débat que nous pourrions avoir, mais le temps nous manque. Mais je pense que d'ici l'été prochain, nous aurons largement le temps de faire une émission spéciale sur cette série. Alors, une petite pensée pour Sue Ellen pour l'info qui est tombée le 22 octobre 2010. Une saison 11 pour Smallville, c'était un point d'interrogation. Voilà, c'était la question qui était posée en 2010. On sait tous la réponse. On sait la réponse. Elle a eu lieu, non? Il y en a eu 12, non? Non, alors écoute, Sue Ellen vient tout à l'heure, on pourra lui poser pas la question. Hein hein, voilà, on fait un teaser. Si vous voulez savoir s'il y a eu une 11e saison pour Smallville, je sais pas, moi j'avais dit 12, non? Écoutez l'Académie Fadjet. Je ne sais plus. Oui, la réponse dans l'heure qui suit. Voilà, c'est pas mal de faire. Voilà, le but en fait est de poser une question et la réponse dans l'heure qui. On aurait pu faire ça. Oui. Aussi. Bah on l'a fait. Pour les. Non mais on aurait pu faire ça dès le début. Ah d'accord. C'est une idée pour les 40 ans ou les 35 ans. Allez. C'est toi. Et le 4 novembre 2010, Terra Nova privée de scénariste. Après l'annonce par Steven Spielberg de la mise en chantier d'une toute nouvelle série de science-fiction de surcroît, les admirateurs et les curieux se frottaient déjà les mains d'impatience. Mais tout l'enthousiasme soulevé par la nouvelle est vite retombé alors que se sont accumulés retards et autres contretemps. Entre l'annulation de la présentation au Comic-Con de San Diego et le report de la série par la Fox jusqu'au printemps 2011, l'avenir de Terra Nova semblait sérieusement en péril. Aujourd'hui s'ajoute à la liste un autre souci, des plus majeurs, tu m'étonnes. Ils ont viré, à l'époque, ils ont viré les scénaristes de la série. C'est dire, comme le démarrage de cette série s'est très bien passé, et au bout d'une saison, la série s'est scratchée. Malheureusement, pas de succès pour une série qui, bon, certains critiquent les effets spéciaux qu'on a eu dans Terra Nova, mais je trouve que ça tenait quand même bien la route, et c'est bien dommage qu'elle s'est arrêtée au bout d'une saison. Elle aurait mérité plus d'épisodes, mais hélas, l'audience était trop faible par rapport au coût de production par épisode. Et Swan est d'accord avec moi. Tout à fait. C'était une bonne série, mais c'est vrai que un peu particulière, mais sympa. Et on n'a pas eu de suite, alors que c'était Steven Spielberg. Mais c'est vrai que Steven Spielberg à la télévision, il a beaucoup de mal. Il a des succès au cinéma, mais en télévision, ça ne marche pas. Ouais. Vous saviez, tiens, que Steven Spielberg, l'un des premiers trucs qu'il a réalisé, c'était un épisode de Columbo. Oui. Oui. Mais oui. Ah, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Oui, oui. C'est vrai qu'en plus, on ne l'attend pas du tout dans un épisode de Columbo, en plus. Bah, disons qu'à l'époque, on ne l'attendait pas du tout parce qu'on ne le connaissait pas. Non, mais après. Oui, si tu veux, à l'époque, l'épisode a été diffusé aux États-Unis. Steven Spielberg, c'est comme si on m'annonçait que mon voisin allait planter un chou dans son jardin. Voilà, ça aurait fait le même effet, quoi. Oui. D'accord. Oui, voilà. Non, bon, avec le recul, ça prend de l'importance. C'est vrai qu'on n'attend pas Steven Spielberg, là. Bref, le 7 novembre 2010. Tu faisais une belle rencontre à l'occasion des 25 ans de Fadjet, parce qu'en 2010, c'était les 25 ans. Bien sûr, puisqu'en 2015, on fait les 30. C'est QFD. Benoît, dans une autre vie, a été prof de maths. Eh oui. Donc, le 7 novembre 2010, on faisait la fête, on fêtait les 25 ans de Fadjet. Et le 30 octobre, on faisait la connaissance, on rencontrait un de nos auditeurs qui s'appelle toujours Sylvain. Et on espère d'ailleurs qu'il est là et qu'il écoute les 30 ans. Et donc, on a passé un bon moment. On a pris une photo, même. Si vous allez sur le site, vous pouvez encore retrouver cette photo. Encore une nécro, dis donc, 2010 était chargé. Leslie Nielsen nous quittait le 29 novembre. Alors là, c'est une perle des acteurs, côté acteur américain, qui nous a quittés. L'acteur canadien Leslie Nielsen, vedette de la comédie Y a-t-il un pilote dans l'avion, un flic pour sauver la reine et compagnie, nous avait quittés à l'âge de 84 ans. Nielsen s'est fait connaître grâce à ses apparitions dans les séries télévisées américaines, à succès tels que Patton Place, inconnu en France, Docteur Kildare, Le Fugitif, Kojak, Police Squad ou encore MASH. Et c'est vrai que ses plus gros succès, c'était « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?»« Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?» Je l'ai dit. « Un flic pour sauver le président ?» C'était le gros délire, le roi des comédies américaines. Et depuis, c'est vrai qu'on n'a pas d'acteur qui a réussi à le remplacer. Il reste vraiment unique en son genre. On apprenait le 9 décembre 2010 que M6 diffuserait Hawaii 5-0 et le diffuse toujours à l'heure où nous parlons. Oui, et c'est un carton. Et c'est un carton. Et moi, j'ai pris un peu en cours, mais maintenant, je ne raterai un épisode pour rien au monde. Et d'ailleurs, Manon aussi. Ah, Manon. Voilà. Exact. D'ailleurs, des fois, on s'envoie des messages parce que je te dis, oh là, attention, parce que l'épisode là, il y a un truc bizarre dans la baignoire. Donc, on s'envoie des messages. On se prévient. Le 10 décembre, Larry Hagman, on retrouvait Larry Hagman dans Desperate Housewives, dans 2-3 épisodes. Hein, il est apparu dans 2-3 épisodes, franchement, où il jouait magnifiquement. Oui, excellent. Excellent. Excellent. Stargate Universe s'était annulé le 17 décembre 2010. Et on faisait aussi une alerte rouge du côté de Dallas parce que effectivement ça commençait à frétiller. Voilà, et on nous annonçait que JR, Larry Hagman, ne pourrait pas participer à la suite. Et quand on voit que les deux premières saisons ont bien marché et que la dernière a été une catastrophe suite au décès de l'acteur, on comprend que dès le départ, il était utile que Larry Hagman participe au retour de Dallas. Voilà. On a passé en vue les premiers mois de l'année, enfin les premiers mois du début de saison de Destination Série, la 9e de l'année 2010. On aurait pu aller jusqu'en juin, mais on n'avait pas assez de temps. Donc voilà, c'était un peu ce qui s'est passé principalement au cours de l'année 2010 du côté de Destination Série. Benoît ? Oui, c'est très bien. Maintenant la suite. La suite. Alors, je n'ai pas mon portable, je l'ai oublié, donc normalement ça devrait le faire tout seul. Ah oui, c'était pour passer le générique, mais on n'a pas le temps. Allez, on s'entraîne, puisqu'on ne sait pas de quel générique s'agit-il. Quelqu'un, on s'entraîne pour dans un quart d'heure. De quel générique s'agit-il ? Oui, Manon. Ah oui, 5-0. Bravo, un point. Donc voilà, on n'a pas le temps, mais on l'a pris. Voilà. Ah oui, ça aussi. Ah, bah c'est pas 2010, ça. Hein. Bah, c'est 1985, l'année de lancement de Fadjet, de la création de Fadjet. Ah. On a entendu Madonna, Michael Jackson, mais on n'a pas entendu Modern Talking, les enfants. Que fait la direction ? On t'a laissé, en fait. Et là, j'ai Swan à côté de moi qui est heureux. C'est pas un mauvais morceau. Hein. Ah oui, hein ? C'est loin d'être un mauvais morceau. Hein. Oh. C'est très connoté 80. Ah oui, on est d'accord. À l'époque. Oui, oui. Mais il y a eu pire encore à l'époque. Hein. Il y a eu Stoney Chardin. Hein. Donc, oui, on est d'accord. Il oui. y avait alors, besoin de toi, envie de rien, tu vois ce que je veux dire. Oui, il y a eu ça aussi. Oui, voilà. Il y a eu. Je préfère encore ça, quoi. Allez, viens boire un petit coup à la maison aussi. Licence 4. Alors, je tiens à le signaler, c'est officiel. Swan peut revenir dans des séries. Ouais. Et là, normalement, si tout va dans le bon sens, on devrait accéder. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. À notre cerise. Parle, ça ira mieux demain. Ces roues sont un peu les tiens. Parle, ça ira mieux demain. Éphémère éternel en vain. Peut-être pas. « Que serait Destination Série sans Ça ira mieux demain ? Et rappelons que le générique de Ça ira mieux demain, c'est aussi une des belles histoires et des belles rencontres faites dans la maison Fagette, enfin dans la maison pas tout à fait, puisque là on était dans le cadre de la fête de la musique devant MJC Pichon le 21 juin dernier. Et lors de cette fête de la musique, Fagette nous a offert plusieurs groupes pour cette fête de la musique, dont celui-là, les Seed to Tree. Et c'est une belle rencontre que nous avons faite ce jour-là. Et je leur ai demandé si je pouvais utiliser cette chanson d'eux pour la mettre en générique de la future. Et c'est lors de cette fête de la musique que j'ai eu l'idée de capter ce son pour vous le proposer à l'époque des 24 heures chrono qui s'arrêtaient. Oui. Et des nouvelles 10 minutes chrono qui sont arrêtées en juin dernier. D'ailleurs, j'avais choisi un extrait, si on avait eu le temps, du lancement des nouvelles 10 minutes chrono. Et voilà, ça reste une partie touchante pour moi de l'aventure Destination Série. Je regrette ma cible, les moments où Benoît faisait ses calculs, ses pourcentages, c'était magique. Eh bien, en tout cas, l'incontournable de cette semaine, l'incontournable de la semaine 47, la semaine des 30 ans et des 30 heures de Fagette, eh bien, c'est incontestablement toujours Chloé, ses profilages, la série de TF1 qui recueille toujours vos suffrages. Elle est numéro 1 du rétroviseur. Elle est aussi votre incontournable de la semaine. On a eu un peu de tout cette semaine. Vous avez voté un petit peu pour Empire dès que vous avez vu les épisodes mardi. Alors, je ne sais pas. Est-ce que tu as regardé Empire, Laurent ? Empire, j'ai regardé. Et alors ? Écoute, moi, j'aime bien. Alors, je ne peux pas dire que je suis encore fan puisque j'ai vu que 3 épisodes. Mais alors, moi, j'attends avec impatience puisque la star de cette série, c'est vraiment Cookie. Et j'attends ces scènes, mais alors, c'est un pur bonheur. Quand ils font le repas de famille et où voilà, ils sont à table, son ex-mari est là avec sa nouvelle femme, et comme chaque dimanche, elle veut trôner à sa place, en bout de table, et qu'elle lui dit « Non, s'il te plaît, va à côté de ton papa ». C'est vrai qu'il y a une grosse différence d'âge. Voilà, c'est des moments magiques où ces répliques font mouche. Alors voilà, alors après, c'est du soap opéra. On est dans le hip-hop, c'est pas vraiment ma musique. On parlait de Modern Talking tout à l'heure. Voilà, moi c'est plutôt dans le ball and sound, on va dire, où je suis vraiment calé. Après, ça reste une bonne série. Alors après, d'après certains, au niveau du scénario, il y a une belle évolution. Il y a un bel intérêt si on suit les épisodes. Au fur et à mesure que l'histoire avance, on est encore plus attiré par Empire. Donc à voir, laissons le temps à la série de démarrer. Par contre, en France, par rapport aux 17 millions aux États-Unis, voilà, en France, c'est un four. On est à peine au-dessus des 500 000 téléspectateurs. C'est vraiment pas top. Non, c'est vrai. Alors moi, j'ai moyennement apprécié, enfin j'ai regardé, hein, c'est... Je m'attendais à beaucoup. On a fait énormément au lancement aux États-Unis, on avait fait énormément sur la particularité et la performance de l'actrice que l'on avait vue précédemment dans Person of Interest. Et là, bon, c'est vrai qu'elle a des scènes et des moments cultes, mais j'ai un petit peu de mal sur l'ensemble de la série. Je trouve que ça manque un peu de... Il manque un peu quelque chose, mais bon, parce que tout est un peu centré sur sa capacité, sur son rôle. Son personnage, son et charisme. Bon, voilà. Alors j'attends. Mais bon, aux États-Unis, la deuxième saison, elle fléchit donc. Faut quand même souligner que dans l'Europe, c'est loin d'être un succès. Et les 17 millions aux États-Unis, c'est surtout la communauté noire qui a vraiment plébiscité la série. Son succès est dû grâce à eux. Donc c'est sûr qu'après, en dehors des États-Unis, parce que les États-Unis, c'est quand même, au niveau population, c'est quand même énorme. Donc c'est un énorme pays. Donc voilà, il y a matière à avoir une belle audience. Après, en Europe, ça capte. Puis alors, après, le problème en Europe, c'est que c'est les séries policières qui fonctionnent. Là, on retombe dans le soap opéra comme Dallas, comme d'autres feuilletons qui n'ont jamais fonctionné depuis les années 90. Donc là est le problème. Ça serait autre chose, ça serait une série policière avec la même famille, je pense que ça marcherait mieux. Peut-être, oui. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que ça se retrouve directement sur W9 et qu'M6 n'a pas osé tenter. Oui, voilà, ils ont déjà eu des insuccès, donc ils ont voulu limiter la casse. Pourtant, quand même, vous êtes quand même nombreux à nous dire « Je vote avec joie pour Empire, excellent », ou Curtis qui nous dit « Tarage est magnifique, ses répliques sont à tomber ». C'est le nouveau Dynasty où je vote pour Empire, nous dit Thomas 75, notamment pour sa bande son. Moi aussi, je craque. De nouveau pour Taraj, je félicite son couturier. C'est vrai qu'elle a des tenues un petit peu un peu space, hein. Bah c'est voilà, ça va avec c'est... le hip hop, ça va un peu avec l'ambiance. Voilà, on peut dès qu'elle arrive dans l'écran 16/9, on peut pas l'arrêter, hein. Ah, c'est clair. Sinon donc les votes se partagent aussi pour je le disais aussi donc la famille formidable, vous avez retrouvé avec bonheur, hein, toute la famille Beaumont qui a déménagé et qui donc vit maintenant à Strasbourg, donc on voit on est au pays de la choucroute, des bretzels et de la cathédrale que l'on voit allègrement sur toutes les coutures dans les épisodes. Donc voilà, ça change et c'était plutôt réussi, hein, c'est ce premier épisode dans la veine évidemment de la famille Beaumont, hein. Pas non plus, ça casse pas cinq pattes au canard. Hein. Oh, c'est bon, j'ai bien aimé. Par oui, rapport non, si, aux, si, aux derniers événements, sincèrement, tu te retrouves devant ça... la famille formidable, ça te fait du bien. Ça te repose. Ça permet, ça te permet d'avoir une pause et de pouvoir un peu te changer les idées. Je dis bien un peu changer les idées. Et je ne voudrais pas finir sans parler de notre parloir. Et moi, j'ai adoré cette phrase à propos de Malaterra. Et on nous la devons à Eddy 999. C'est notre argent qui est brûlé pour rien. Dans 5-10 ans, personne ne se souviendra de cette série. C'est notre argent qui est brûlé pour rien quand on regarde Malaterra. C'est vrai que c'est une pâle copie de Broadchurch. C'est vrai. Au générique, aux images, il y a la musique, il y a les acteurs qui ressemblent comme deux gouttes d'eau, notamment l'actrice à l'actrice de Broadchurch. Il y a la falaise. Alors, ils ont trouvé une falaise en Corse. Hein, ils doivent avoir la même falaise qu'en Angleterre, en Corse. On est sûr que c'est tourné en Corse ? Je ne vais pas enquêter, mais j'espère que s'ils parlent de la Corse, qu'ils vont aller tourner sur des images en Corse. Hein. Mais oui, je pense que c'était tourné en Corse. Bref, ça a plutôt bien fonctionné. Je ne sais pas si autour de la table, quelqu'un a regardé... Malaterra. Alors, j'ai regardé peut-être 3 secondes. Moi, j'ai tenu quand même 3 minutes, je vous le rappelle. Et bon, après, voilà, j'avais autre chose à faire. J'avais une émission à préparer, notamment celle qui vient, donc j'ai vite fait mon choix. Mais apparemment... Bon, mais sur les réseaux sociaux, ça... Ah bah sur les réseaux sociaux, un commentaire sur Broadchurch peut-être. Je connais pas ni Broadchurch ni ça. Sur les réseaux sociaux, ça a été violent. Hein. Même vêtements, des scènes qui ont été, pour ainsi dire, refaits à l'identique. Il y a apparemment le seul point qui est vraiment nouveau, c'est du côté du final. Où là, c'est pas le même assassin. Ah, c'est pas le même assassin. Voilà. C'est pas drôle parce que j'ai dit, bah, tu sais, c'est lui qui. Voilà. Donc, les scénaristes ont apporté une originalité dans la série. C'est au final. Oui, enfin, qu'ils disent. Ils disent parce que pour que les gens restent jusqu'au bout. Peut-être. Hein, on suivra ça de près, on vous le dira. Voilà, donc, une audience quand même assez correcte à suivre si mercredi prochain, l'audience est toujours là. Et moi, je suis en train de chercher mon onglet du côté de l'académie. Il est là. On a encore un peu de temps, il te reste 8 minutes. Hein. Donc, normalement, là maintenant, si tout va dans le bon sens, on devrait accéder à Plus Belle TV. Ah. Car Plus Belle TV, cette semaine, on a quand même un événement qu'il faut souligner. Benoît, la semaine dernière, est intervenu pour mettre le doigt sur un problème concernant une série qui ne faisait pas partie de Plus Belle TV. Cette semaine, ce problème a été résolu. Fadjet, aujourd'hui 30 ans d'ondes solidaires. Plus Belle TV, prenez votre télé dans le bon sens. Et on commence le Plus Belle TV, bien sûr, avec une série qui ravit Swan tous les week-ends. C'est Les Mystères de l'Amour, dès 19h45, le samedi et le dimanche. Déjà la saison 10. Oui, mais ça fait pas 10 ans hein, qu'on regarde ça. Hein. Ils ont un nouveau concept, hein, c'est-à-dire qu'ils font plusieurs saisons par voilà. Année. Ah oui, d'accord. Ça leur permet de faire des coffrets de 26 épisodes. Ils produisent 2 saisons par an. 2 coffrets de 26 épisodes au lieu de faire une cinquantaine d'épisodes à l'année, non, ça serait trop. Donc là, il y a quand même derrière une recherche. Eh oui, une recherche marketing. Voilà. Et il y a aussi ce soir, le retour de Perception. Tout le monde se rappelle de Perception. Eh oui, hein, une série qui a eu des soucis au niveau de l'audience, qui a été déprogrammée. Et c'est déjà la saison 3. Et qui revient par magie à 20h50 le samedi soir. Alors donc elle n'a jamais été dans ce créneau-là, hein, le créneau du samedi soir, je crois pas. Hein. Jeudi. Non, pour moi, non. C'était jeudi, après c'est passé à 3h du mat, j'ai des frissons. Voilà, et après dans le placard. Les enquêtes de Murdoch, ça c'est pour Maître Pierre. Du côté de Castle, on va retrouver l'épisode qui a été déprogrammé lundi dernier, c'est devant mes yeux. On aura bien sûr le deuxième d'une famille formidable. Là, ça va être intéressant. Hein. Là, un bon duel. Castle, une famille formidable. Et donc, aussi à 18h, donc sur France O, la série Cut. Alors, je voudrais souligner une chose, c'est qu'à 18h, c'est l'inédit. Oui. Mais juste avant, on a la rediffusion de l'épisode de la veille. Et encore de la veille en veille. Il y a trois épisodes. Ah, dans mon programme, c'était pas noté. Voilà. Donc, j'ai mis que l'inédit. Petite série sympathique, un petit feuilleton qui se suit avec des intrigues sous le soleil de la Réunion. C'est assez surprenant que ça passe sur France O, ça aurait très bien pu se retrouver sur France 2. Et bon, l'innovation de cette série, je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on avait dit tout au début, il y a trois saisons, c'est que vous pouvez lire sur le Facebook de l'acteur principal, vous pouvez interagir avec lui, il vous envoie pendant la série, vous voyez, cliquez, vous allez sur son Facebook et il donne des réactions, des petits trucs, voilà. Enfin, bon, c'était censé un peu capter. Donc c'est pendant la série. Pendant la série, oui. Alors si je suis l'historique des chroniques d'un expert des séries, ça veut dire que quand on arrive à faire plusieurs choses en regardant une série, c'est pas bon. Ça veut dire que l'intérêt pour l'intrigue de la série n'est pas à son top. Oui, mais enfin, c'est pas non plus du Shakespeare. Hein, donc, tu peux continuer à regarder et regarder ce qu'il y a sur le Facebook en même temps où il y a deux lignes, trois lignes ou une photo. Hein. Ah, c'est pas du Shakespeare. Non, ce n'est pas du Shakespeare. Alors, j'aurais pu m'éviter de mettre le nom des acteurs parce que j'ai quand même mis le nom des acteurs. Hein. Moi, j'ai cru que c'était vraiment à un niveau. Non, mais ne te moque pas de moi. Parce que sur France O, quand même. Hein. Oui, non, mais France O, il n'y a pas que de l'intellectuel non plus. Il y a des séries grand public. Voilà. Mardi, pour les fans, Empire, trois nouveaux épisodes. Alors, il y a aussi vous avez deux horaires hein, pour Empire. Vous avez 20h50 ou 23h30. C'est-à-dire que si vous êtes endormi dans le courant de la soirée, vous vous réveillez à 23h, ça recommence. À 23h, ils vous repassent le premier numéro. 1, 2, 3. Donc là, c'est pareil. Donc vous avez 4, 5, 6 et après 4, 5, 6. Et ils font ça jusqu'à 6h du matin. Non. Comme ça, les insomniaques peuvent se réveiller sans dormir. C'est-à-dire que vous aviez la possibilité, si vous étiez, par exemple, faisiez votre émission à Fadjet de 20h à 21h ou de 21h à 22h. Eh bien, pouvoir rentrer et à 23h30, vous regardiez à nouveau le premier épisode d'Empire. Alors, il faudra expliquer à M6 qu'il y a un truc qui s'appelle le replay. Aussi, oui. Oui, se rajoute à ça également le replay. Dis ça, je dis rien. Tu as raison, ça, effectivement. Oui, mais comme, aussi... si je ne me trompe pas, c'est sur W9, donc ils ont tous la tête à l'envers. Donc, ils ont peut-être un peu perdu le chemin du replay. Hein. Mardi, alors là c'est plus triste hein, pour les fans, on va avoir une petite pensée pour les fans, c'est Mentaliste, c'est le dernier épisode inédit, la série Mentaliste s'arrête mardi soir sur TF1 en inédit, et je tiens à vous signaler qu'à partir de maintenant on en a pour 20 ans en rediffusion le dimanche après-midi. Voilà, c'est aussi la suite, attention hein, c'est la suite de la 6e saison d'Un Village Français. Oui, hein, aussi. Parce qu'il s'était arrêté. Il s'était arrêté en route. Bonne série. C'est très très bonne série sur la guerre. Et là, on arrive à la fin. Enfin, à la fin de la série, parce qu'on est à la libération. Donc forcément, je pense que la série va se terminer bientôt. Hein. Mercredi, Lohan va être heureux de découvrir un nouvel épisode inédit d'Esprit Criminel. Ouais. Ça s'appellera Amelia Porter. D'accord. Et les autres se consoleront en allant en Corse voir Malaterra, épisode 3-4. Il y en a qui ont... Ouais, moi, ça me donne mal à la terre, moi. Mal à la tête, mal à la terre. Donc, deux épisodes inédits pour l'amour du risque et on poursuit avec Profilage. Profilage, les épisodes 7 et 8, la fin approche hein, pour Chloé. Alors, j'espère que ce n'est pas celle qu'on est en train de voir là, qui va la remplacer. Je ne sais pas si tu as regardé les épisodes de jeudi, mais la petite nouvelle là qui... Non, j'espère que ce n'est pas elle. Mais bon, on verra bien. La suite au prochain épisode. Et la suite de la série d'Arte, si vous étiez sur Arte jeudi soir pour la série Occupied, c'est l'épisode de 3 et 4 la semaine prochaine. Et bien sûr, le vendredi, c'est toujours NCIS Enquête Spéciale. Et là, on est au 19e épisode de la 12e saison. Et donc, ça cartonne hein, en France. On est à plus de 3 millions les vendredis maintenant. Et aux États-Unis, la série dépasse toujours les 17 millions de téléspectateurs. Il y a pas mal de séries plus récentes qui baissent en audience. Mais du côté d'NCIS Enquête Spéciale aux États-Unis, l'audience est toujours aussi extraordinaire, magnifique. Donc voilà, les fans peuvent se rassurer, c'est pas de mal à veille que la série va s'arrêter. Et on en est déjà à la 13e saison aux États-Unis. Exactement. Voilà, ainsi s'achève ce nouveau numéro de Destination Série. Maintenant, pour les 30 à Ludo. Alors justement, avant qu'on rende l'antenne, je voudrais donc transmettre un message de Lucie, qui nous remercie vraiment qu'on lui ait fait un coucou à l'antenne, qui adore justement l'émission Destination Série. Elle m'a dit à l'instant qu'elle adorait la série Mentaliste. Et voilà, alors donc on va penser à Lucille mardi. Et à tous les fans de cette série qui va donc terminer la course en inédit. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas fini sur les antennes du groupe TF1. Donc là, c'en est fini pour ce nouveau numéro de Destination Série. Pour Destination Série, c'est la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et on sera fidèle au poste avec le 526e numéro. Et pour l'heure, là maintenant, pour fêter les 30 ans de Fadjet, on a une renaissance, un retour. C'est le retour de l'Académie Fadjet. Donc j'aimerais bien que Benoît me donne l'endroit où je peux trouver l'onglet. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Moi. Donc là maintenant, je vais mettre le top horaire pour annoncer déjà, c'est déjà pas mal, qu'il est 11h.